الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. هو الغفور الودود C'est lui l'absoluteur et le bienveillant. ذو العرش المجيد Le maître du trône et le très glorieux. فعال لما يريد Faiseur ou réalisateur de tout ce qu'il veut. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. يقول في آية قرآنية يتكلم مع خلقه مع الناس. Dans un verset coranique, Dieu le Très-Haut s'adresse aux humains pour leur dire. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون Ne vous ai-je point ordonné au fils d'Adam de ne pas adorer Satan ? Il est pour vous un ennemi évident. Adorez-moi donc, voilà une voie bien droite. Il a déjà, ça veut dire Satan, il a déjà égaré plusieurs créatures parmi vous. N'êtes-vous donc pas doué de raison ? Akhi, ukhti, frère, sœur, hal abadta Allah haqq al-ibadah ? As-tu adoré Dieu ? Une vraie adoration comme il se doit am abadta ash-shaytan ou bien as-tu adoré Satan abadta aduwak as-tu adoré ton ennemi fa adallaka an as-sirat al-mustaqim et par la suite il t'a égaré très loin du droit chemin wa ashhadu anna sayyidana wa habibana muhammadan rasulullah as-sadiq al-amin Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم عن درجة الإحسان. Il a dit prière et salut sur lui à propos du niveau de l'excellence dans l'adoration. الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه. Que tu adores Dieu comme si tu le vois. فإن لم تكن تراه. Et dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, فَإِنَّهُ يَرَاكَ Lui, certes, il te voit. رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمُ Rapporté par l'imam muslim. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء Que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, وَرِمَالِ الصَّحْرَى Et au nombre des sables du désert, وأولاد آدم وحواء أنوم لا ديسندونس دادون اي ايف اما بعد ايها الاخوه والاخوات في الاسلام après ceci mes frères mes sœurs en islam احباب الحبيب محمد المصطفى très cher au bien-aimé محمد المصطفى عليه افضل الصلاه وازكى السلام pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations اننا اليوم في 22 من شهر محرم سنة 1431 للهجرة. On est aujourd'hui le 22 du mois Muharram de l'année 1431 de l'Hégire. وبهذه المناسبة سأقف في محطتين. Et grâce à cette occasion, je marque un arrêt dans deux stations. وأبدأ بالمحطة الأولى et je commence par la première station. شهر محرم يعني بداية السنة الهجرية. Le mois de Muharram signifie le début de l'année de l'Hégire. وهنا أحب أن أقوم بدراسة للسنة الهجرية. Et là, j'aime effectuer une étude de l'année de l'Hégire لنرى أوقات العبادة التي اختار الله لنا خلال السنة afin de voir ensemble les moments d'adoration que Dieu a choisi pour nous pendant l'année فالسنة القمرية مكونة من 12 شهرا. L'année lunaire est composée de 12 mois. هل تعرف أسماءها بالترتيب؟ Est-ce que tu connais les noms des mois lunaires par ordre ou dans l'ordre? الشهر الأول محرم. Le premier mois محرم, dans lequel on se trouve maintenant. الشهر الثاني صفر. Le deuxième mois s'appelle Safar. الشهر الثالث, le troisième s'appelle Rabi'ul Awwal. Rabi' premier ou printemps premier. الذي يوجد فيه المولد النبوي, dans lequel se trouve l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الشهر الرابع Rabi' الثاني. Le quatrième mois s'appelle Rabi' 2 ou second. Al-Khamis Jumada al-Awwal. Le cinquième mois s'appelle Jumada 1er. Wa al-Shahr al-Sadis Jumada al-Thani. Le sixième mois s'appelle Jumada 2. Al-Shahr al-Sabi' huwa Rajab. Le septième mois s'appelle Rajab. Al-Shahr al-Thamin yusamma Sha'ban. Le huitième mois s'appelle Sha'ban. والتاسع Ramadan. Le neuvième, c'est le mois de Ramadan. العاشر شوال. Le dixième, c'est شوال. الحادي عشر هو ذو القعدة. Le onzième s'appelle ذو القعدة. والثاني عشر والأخير. Le douzième et le dernier هو شهر ذو الحجة. S'appelle ذو الحجة. C'est le mois du pèlerinage. فالله اختار الشهر التاسع من السنة لإنزال القرآن وهو شهر رمضان. Dieu a choisi parmi tous les mois le neuvième pour faire descendre le Coran et c'est le mois du Ramadan. وجعله شهر صيام. Et il a fait de lui un mois de jeûne. شهر كله عبادة. Un mois qui est dans sa totalité fait pour l'adoration. Siyam bin Nahar, un jeûne le jour, wa salatun bin Layl, et une prière la nuit. Qira'a lil Qur'an, une lecture coranique. Fi hadha ash-shahr tujad ashraf layla, dans ce mois se trouve la nuit la plus noble, laylat al-qadr, la nuit d'al-qadr, ou bien la nuit de la valeur ou du destin. وهي خير من ألف شهر, qui est meilleur que mille mois. واختار الله الشهر العاشر الذي يلي رمضان وهو شوال. Dieu a choisi le dixième mois qui suit Ramadan et qui s'appelle شوال. اختاره ليكون أول يوم فيه هو يوم العيد. Il l'a choisi de telle sorte que le premier jour de ce mois s'appelle le jour de la fête. يوم الزكاه, le jour de la zakat. يوم الصلاه, le jour de la prière. ويوم الفرح, et le jour de la joie. واختار هذا الشهر كذلك شهر شوال ليكون لصيام سته ايام. Et il a choisi ce mois de شوال pour pouvoir y effectuer les six jours de jeûne. واختار الله الشهر الحادي عشر شهر ذي الحجه كشهر استعداد وصفر للحج. Et Dieu a choisi le 11e mois, le mois de Dhul-Qa'da, pour qu'il soit un mois de préparation et de voyage vers le pèlerinage. واختار الله الشهر الثاني عشر. Et Dieu a sélectionné, a choisi le 12e mois, شهر ذي, le mois de Dhul-Hijj, ou bien le mois du pèlerinage. اختاره للحج, l'a sélectionné pour le pèlerinage. في هذا الشهر يوم عرفة, dans ce mois se trouve le jour de Arafa. يندب الصيام في أيامه الأولى حتى يوم عرفة. Il est souhaitable de jeûner les premiers jours de ce mois jusqu'au jour de Arafa. وفيه يوم العيد, dans ce mois se trouve la journée de la fête, la grande fête. وهو اليوم العاشر, et ça correspond au dixième jour. هو يوم الصلاة والأضحية والفرح. La journée de la fête est une journée de prière, de sacrifice et de joie. فإذا فكرنا وجدنا العبادات، الصيام، الحج، الأعياد موزعة على الثلث الأخير من السنة. Si on réfléchit un petit peu, on arrive à la conclusion suivante, que les grandes adorations, le jeûne, le pèlerinage, les deux fêtes sont réparties uniquement sur le dernier tiers de l'année. يعني الأشهر الأربعة الأخيرة, ceci signifie les quatre derniers mois. من الشهر التاسع إلى الشهر الثاني عشر, du neuvième mois jusqu'au douzième mois. بينما ثلثي السنة الأولين, tandis que les deux premiers tiers de l'année lunaire, ثمانية أشهر تقريبا, approximativement huit mois, فارغة من العبادات المذكورة سابقة. Sabiqan. Ces huit mois sont vides, ou dans ces mois il n'y a pas ces grandes adorations précitées. وهذه الثمانية أشهر فترة طويلة. Ces huit mois constituent une longue période. كأنها عبور لصحراء طويلة بالنسبة للمسلم, et ça constitue en quelque sorte pour les musulmans une longue traversée du désert. والثلث الأخير من السنة مرحلة نشاط للمسلم. Par contre, le dernier tiers de l'année est une période d'activité intense pour le musulman. مرحلة تزود بالتقوى, une période d'approvisionnement par la piété. مرحلة زيادة للإيمان, une période de croissance de la foi ou d'augmentation de la foi. هذا الثلث الصغير في آخر السنة, ce petit tiers qui se trouve à la fin de l'année, هو الذي يساعد المسلم على عبور الصحراء الطويلة في السنة الجديدة. C'est ce dernier tiers qui aide le musulman à traverser la grande période qui se vide, qui se trouve dans le début de l'année suivante. وفي هذه الثمانية أشهر, et pendant ces huit mois, cette longue période, يبدأ الإيمان يضعف شيئا فشيئا. La foi commence à baisser petit à petit. وتنقص التقوى شيئا فشيئا. Et la piété commence à s'affaiblir petit à petit. كل واحد حسب نشاطه وزاده في الثلث الأخير من السنة. Chacun selon son activité, l'intensité de son activité, selon son approvisionnement pendant le dernier tiers de l'année. Les gens commencent à commettre les péchés petit à petit. Quand les péchés deviennent nombreux et la foi devient faible, جاء الثلث الأخير من السنة. À ce moment-là, de nouveau, il y a l'arrivée du dernier tiers de l'année, مع الشهر التاسع, avec le neuvième mois, شهر رمضان, le mois du Ramadan, فيزداد الإيمان من جديد. Et la foi augmente de nouveau. وتغفر الذنوب من جديد. Et les péchés se font pardonner de nouveau, بفضل الصيام, grâce au jeûne. وبعد رمضان هناك فرصة ثانية لمغفرة الذنوب. Après le mois de Ramadan, il y a une deuxième chance afin d'absoudre les péchés, وهي الحج, qui est le pèlerinage. ذنوب العمر تغفر, les péchés d'une vie se pardonnent pendant le pèlerinage. ومن لم يحج يصوم عرفة فتغفر له ذنوب سنتين. Celui qui n'arrive pas à faire le pèlerinage, il a une deuxième chance lui aussi. Avec le jeûne du jour de Arafat, il verra les péchés de deux ans pardonnés. L'année actuelle et l'année à venir. Et l'année de l'égir s'achève avec des péchés pardonnés. تخيل لو كان الثلث الأول من السنة هو مرحلة العبادة. Imaginez si le premier tiers, les quatre premiers mois, étaient la période d'adoration intense. On allait finir l'année avec des péchés. Après tout cela, il y a une dernière chance, une dernière occasion pour celui qui était négligent, وهي صيام عاشوراء, et qui est le jeûne du jour d'Ashura. عشر محرم وتغفر كذلك ذنوب سنة, qui fait pardonner de la même manière les péchés d'une année. هكذا أراد الله. Ainsi Dieu a voulu. هكذا وزع الله العبادات على السنة. Ainsi Dieu a réparti les adorations sur l'année. إذا فهمنا هذا, si on comprend cela, أقول لك, je te dis, أخي, أختي, frère, sœur, انتبه, fais attention. لقد دخلنا في فترة الثمانية أشهر. On est actuellement entré dans la période des 8 mois, عبور الصحراء الطويلة, la traversée du grand désert. دخلنا في المرحلة الصعبة. On est entré maintenant dans la période difficile, مرحلة نسيان الله, la période d'oubli de Dieu, مرحلة الذنوب, la période des péchés, مرحلة الابتعاد عن الدين, la période de l'éloignement par rapport à la religion, مرحلة عبادة الشيطان, la période de l'adoration de Satan, مرحلة ترك الصراط المستقيم, la période d'abandon de la voie droite. أخي أختي, frère, sœur, كن مسلما, sois musulman, كن مؤمنا, sois un bon croyant, لا تسقط في فخاخ الشيطان, ne tombe pas dans les pièges sataniques, لا تتأثر بزوابع الصحراء, ne te laisse pas influencer par les tempêtes du désert, كن صامدا كالجبل, sois inébranlable comme la montagne. انظر كم من ناس من المسلمين اتبعوا الشيطان بسهولة. Regarde maintenant combien il y a des gens parmi les musulmans qui ont suivi avec une grande facilité, qui ont suivi الشيطان, Satan. من الشهر الأول, à partir du premier mois, من بداية عبور الصحراء, à partir du premier moment de la traversée du désert. أستفعل مثلهم, vas-tu faire comme eux? استعمل عقلك, utilise ta raison. لا تصبح مجنونا, ne deviens pas comme un fou. استمع, écoute. ربك يكلمك في هذه الآية, ton Seigneur te parle par le biais de ce verset coranique. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ne vous ai-je point ordonné, ô fils d'Adam, de ne pas adorer Satan? Il est pour vous un ennemi évident. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Adorez-moi donc, voilà une voie bien droite. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم يكن لكم عقل أم كنتم مجانين. Il a déjà égaré plusieurs créatures parmi vous. N'êtes-vous donc pas doués de raison? أخي أختي, frère, sœur, في هذه المرحلة الصعبة والطويلة, pendant cette période difficile et longue, لا تبتعد عن المسجد, ne t'éloigne pas de la mosquée. لا تبتعد عن القرآن, ne t'éloigne pas du Coran. لا تنسى الصيام 3 أيام من كل شهر. N'oublie pas le jeûne au moins 3 jours par mois. لا تنسى ذكر الله, n'oublie pas l'évocation de Dieu. اعبد الله كأنك تراه, adore Dieu comme si tu le vois. وحارب الشيطان كأنك تراه, et combat Satan comme si tu le vois. وأمر إلى المحطة الثانية, et je passe vers la deuxième station. شهر محرم يعني عند بعض المسلمين شهر إخراج الزكاة. Le mois de Muharram signifie chez une partie de musulmans le mois où on acquitte la zakat. وبهذه المناسبة أطرح بعض التساؤلات, et grâce à cette occasion je vais formuler quelques interrogations. التساؤل الأول, la première interrogation, من تجب عليه الزكاة؟ qui doit acquitter la zakat؟ الجواب, la réponse, Man malaka an-nisaba li muddat sana, celui qui aura acquis ou possédé le seuil ou la quantité minimale pour acquitter la zakat, et cela pendant une année. Wa an-nisab huwa thamanu 85 graman min ad-dhahab. Et le seuil ou le minimum est le prix pour payer 85 grammes en or. فلو قدرناه مثلا ب 1000 اورو, si on estime ce seuil par exemple à 1000 euros, نقول اذا من عنده 1000 اورو موفره, on va dire que celui qui possède 1000 euros comme épargne, ou اكثر ou même plus, 2000 3000 الى غير ذلك, 2000 euros, 3000 ou plus, وبقيت سنه قمريه كامله, et cette somme est restée auprès de lui pendant une année entière, une année lunaire et non pas solaire, une année lunaire entière. ولم يحتاج لهذا المال من اجل المصاريف اليوميه, et il n'avait pas besoin de cette somme pour les dépenses quotidiennes. مثلا من محرم الى محرم, par exemple du mois de Muharram, de l'année passée jusqu'à ce Muharram, ou min Sha'ban ila Sha'ban, ou bien du mois de Sha'ban jusqu'au mois de Sha'ban. فالزكاه لا تؤدى فقط في محرم. Je souligne que, ou je fais cette remarque, que la zakat ne s'acquitte pas uniquement dans ce mois comme pensent beaucoup de gens. بل تؤدى في كل الشهور, plutôt on acquitte la zakat dans la totalité des mois. يعني بعد سنة, ça veut dire après une année, et ça dépend en quel mois on a acquis ou on a possédé pour la première fois cette fortune ou cette somme qui est 1000 euros ou plus. وأضاف المالكية والحنابلة والشافعية شرطا لإخراج الزكاة. Les malikites, les hanbalites et les shafi'ites ont rajouté une condition pour pouvoir acquitter la zakat, وهو أن يبقى النصاب طول السنة, et c'est la condition suivante, c'est que le seuil ou le minimum doit rester pendant toute l'année comme épargne. يعني 1000 euro ou اكثر, ça veut dire pendant toute l'année on a eu les 1000 euros ou plus. اما لو كان نقصان, dans le cas où il y a une diminution, وصار المال اقل من 1000 euro, et la somme a baissé et devenue inférieure que 1000 euros, مثلا 800 euro, par exemple 800 euros pendant un mois ou deux, فلا يطالب صاحبه بالزكاة, celui-ci ne doit pas acquitter la zakat. وهناك شرط اخر ان لا يكون عليه دين, il y a une autre condition qu'il ne faut pas y avoir une dette. مثلا واحد عليه 200 اورو دين, par exemple quelqu'un qui est endetté de 200 euros, وعنده 1000 اورو طول السنه, mais il avait les 1000 euros pendant l'année, يعني لا يملك حقيقه إلا 800 euros, celui-ci en réalité ne possède que 800 euros, 1000 moins 200 de dette, ça lui fait 800. فهذا لا يخرج الزكاة, celui-ci ne doit pas acquitter la zakat. التساؤل الثاني, la deuxième interrogation, ما هو قدر الزكاة, quelle est la valeur à sortir ou à acquitter comme zakat. الجواب, la réponse, في زكاة المال, dans la zakat des fonds, ça veut dire l'or ou bien les billets bancaires, yani zakat al-mal al-dhahab ou al-awraq al-bankiyya, al-qadr huwa 2.5%, la valeur ou la proportion est 2.5%. Ala 1000 euro nuzakki 25, pour 1000 euros on doit acquitter 25 euros comme zakat. Ala 2000 nuzakki 50 euros, pour 2000 euros épargnés pendant une année, on doit acquitter 50 euros. Il a acquis, etc. المال موفر نضربه في 2.5 ونقسمه على 100. La somme épargnée pendant l'année, on la multiplie par 2,5 et on la divise par 100, et le résultat doit être acquitté comme zakat. التساؤل الثالث, la troisième interrogation, هل نزكي عن السكن؟ إنسان اشترى بيتاً. Est-ce qu'on doit acquitter la zakat pour l'habitation, quelqu'un qui a fait construire par exemple un pavillon ou une maison, est-ce qu'il doit sortir chaque année la zakat de cette maison ? Ishtara sayyara, quelqu'un qui a une voiture, une belle voiture, al-athat, le meuble, ou an hili al-mar'a, ou bien pour les bijoux d'une femme, ces bijoux qui ne sont pas pour le commerce, mais à porter dans les fêtes, etc. Al-jawab, la réponse, la zakata an al-sakan, ou al-sayyara, ou al-athat. On n'acquitte pas la zakat à propos de l'habitation, ou à propos des voitures, ou à propos du meuble de maison. Et de la même manière, il n'y a pas de zakat pour les bijoux d'une femme. La zakata an hili al-mar'a. Al-dahab alladhi tashtarih al-mar'a lil-afrah wa lil-a'ras. لا تزكي عليه شيئا وهذا حسب مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام ابن حزم رحمهم الله. Et ce que je viens de dire, c'est-à-dire la femme n'acquitte pas la zakat à propos de ses bijoux, c'est d'après l'école de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Ahmed et de l'imam ibn Hazm. التساؤل الرابع, la quatrième interrogation, هل يزكي المستدين عن الدين إذا كان نصابا؟ L'emprunteur doit-il acquitter une zakat à propos de sa dette si sa dette dépasse le seuil? Par exemple, il a une dette de 2000 euros, 3000 euros, et après une année, doit-il acquitter la zakat؟ بعد سنة يعني يؤدي الدين على هذا الدين هو عنده 1000 أورو دين أو 2000 أورو دين ومرت سنة هل يؤدي على هذا المال الزكاة؟ الجواب لا ريبونس المستدين لا يزكي شيئا لان المال ليس له l'emprunteur n'acquitte rien à propos de sa dette même si elle dépasse 1000 euros 2000 euros parce que en réalité l'argent ne lui appartient pas c'est pas son argent c'est le propriétaire de l'argent qui doit acquitter sa zakat الذي يزكي هو صاحب المال le prêteur ويزكي عن كل سنه طالما هو واثق من رجوع المال et le prêteur doit acquitter pour tous les ans ou chaque année doit acquitter la zakat tant qu'il est sûr du retour ou du remboursement de son argent اما اذا يئس من رجوع المال en cas où il devient désespéré du remboursement du retour de son argent فلا يزكي الا اذا قبض المال À ce moment-là, il n'acquitte la zakat que le jour du remboursement où l'argent revient vers lui. Et il acquitte la zakat uniquement pour une seule année, عند l'imam Malik, et ceci d'après l'école de l'imam Malik. التساؤل الخامس والأخير, la cinquième et dernière interrogation, ما هي عقوبة عدم إخراج الزكاة? Quelle est la punition pour celui qui arrête ou qui abandonne ou qui n'acquitte pas la zakat. Al-jawab, uqubatan. La réponse, deux sanctions. Wahida fi dunya, une dans ce bas monde, wa wahida fi l'akhirah, et l'autre dans l'au-delà. Fi dunya, idha mana'a an-nas az-zakat, dans cette vie ici-bas, si les gens arrêtent d'acquitter la zakat, mana'a Allah al-matar. Dieu arrête de leur donner la pluie. الجفاف والفقر لا سيشريس اي لا pauvreté وعدم البركه في المال اي لو مانك دو بينيديكسيون لو مانك دو بركه دون لارجون وفي الاخره عذاب اليم اي دون لو دولا ان سوبليس دولورو يحرق الانسان بمال الزكاه الذي كان يحب لا بيرسون سورا بروليه بار لي بيان او بار لارجون qu'elle aimait, famal ou zakat, huwa haqqul fuqara, l'argent de la zakat, et le droit est un droit des pauvres, wa huwa haramun alayk, et il est haram pour toi, il est interdit pour toi. Akhi, ukhti, frère, sœur, lamma tamna' az-zakat, lorsque tu ne donnes pas la zakat, fa anta sariq, tu deviens un voleur. Atadri man tasriq, sais-tu qui voles-tu? Tasriq al-aghniya, est-ce que tu voles les riches, les milliardaires? La. Non. Tasriq huquq al-fuqara wal-masakin. Tu voles les droits des pauvres et des nécessiteux. Famaluka haram. Donc, tes biens, ton argent devient haram, et tu nourris tes enfants et ta femme du haram, fatoub ilallah, repends-toi à Dieu, et purifie tes biens par le moyen qui s'appelle la zakat. À la fin, je vous recommande et je recommande à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله après ceci serviteurs de Dieu, إننا الآن في شهر يناير. On est actuellement dans le mois de janvier. بمعنى في فصل الشتاء والبرد. Ça veut dire on est en plein, on est dans la saison de l'hiver et du froid glacial. اليوم أقل درجة يعني كانت في الصباح ناقص 9 أو ناقص 10. Aujourd'hui, la température la plus basse, celle du matin, était moins 9 degrés ou moins 10 degrés. وأعلى درجة يعني بعد الزوال, et la plus haute température, ça veut dire à l'après-midi ou qui était affiché à midi, c'était moins 1 ou moins 2 degrés. ونهار أمس نزلت الثلوج, pendant la journée d'hier, il y avait la chute de neige, فغطت معظم أراضي فرنسا أكثر من 10 سنتيمتر. Et cette neige a couvert la majorité des terres ou de la terre française. Et c'était plus que 10 centimètres. في بعض الجهات وصلت إلى 50 centimètres. En quelques régions, il y avait 50 centimètres de neige. قمت بعملية حسابية. J'ai effectué une opération arithmétique. فوجدت أكثر من 50 مليار متر مكعب من الثلوج نزلت على أرض فرنسا في يوم واحد. Et j'ai trouvé un peu plus que 50 milliards de mètres cubes de neige qui étaient descendus sur le sol français en une seule journée. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. وهذه الموجة الثلجية مست كل أوروبا, et cette vague de neige a touché toute l'Europe. Ça veut dire il y avait des milliards et des milliards de mètres cubes qui se sont déposés sur le sol de l'Europe. وبهذه المناسبة أذكر بعض الخواطر, et à cette occasion je vais citer quelques réflexions. الخاطر الأولى, la première réflexion, أن القرآن ذكر في 35 آية نزول الماء من السماء ليشد انتباهنا أمام هذه الآية الإلهية. C'est que le Coran a cité en 35 reprises dans des versets coraniques la descente de l'eau du ciel afin d'attirer notre attention devant ce grand signe divin. وسمى الله هذا الماء, Dieu a nommé cette eau par quatre noms dans le Coran. سمى الله هذا الماء النازل من السماء, cette eau venant du ciel, سماها بأربعة أسماء. سماه طهورا, il l'a appelé comme purificatrice. وغيثا, comme secours. ورزقا, comme subsistance. ومباركا, et comme béni ou bien bénédiction. فالماء الهابط من السماء, cette eau qui descend du ciel, رزق وبركة, est une subsistance et est une bénédiction. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه. Une fois, le prophète, prière et sage lui, était avec ses amis, فنزل المطر, et il y a eu, et la pluie a commencé à tomber, فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه, et le prophète, prière et salut sur lui, a retiré ou a ôté ses vêtements, يعني كشف عن ذراعيه وعن رجليه ورأسه, ça veut dire il a découvert ses bras, ses jambes ou ses pieds et sa tête, حتى أصابه المطر, jusqu'au point qu'il a été touché par l'eau de la pluie. فقيل له يا رسول الله لما صنعت هذا, on lui dit au messager de Dieu, pourquoi as-tu fait cela? قال لأنه حديث عهد بربه تعالى, يعني هذا الماء لازال جديدا, لا نزل الآن من عند الله تعالى وتبارك. Il a répondu parce que elle vient, c'est-à-dire l'eau, elle vient récemment de chez son Seigneur. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam Muslim. فعل هذا ليتبرك به, لأنه بركة, le prophète, prière et salut sur lui, a fait cela afin de chercher la bénédiction qui se trouve dans cette eau bénie par Dieu. ولهذا لا يجوز سب المطر أو الثلوج إلى آخره, raison pour laquelle il est interdit en islam d'insulter la pluie ou d'insulter la neige, etc. Il ne faut pas dire temps, je ne sais pas, ou quel mauvais temps, etc. لا يسب, on n'insulte pas ce que Dieu fait. فمن سب هذه الأشياء, celui qui insulte la neige, celui qui insulte la pluie, فقد سب الله, il n'a fait que insulter Dieu. فالمطر والثلج والبرودة والحرارة والريح, كل ذلك يأتي بإرادة الله ولا يأتي بإرادته. La pluie, la neige, le froid, la chaleur, le vent, tout ça vient selon la volonté de Dieu et non pas de sa propre volonté. فالمسلم يرضى ويفرح بكل ما جاء من عند الله تعالى وتبارك. Le bon musulman normalement agrée et se montre joyeux devant toute chose qui vient de la part de Dieu. الخاطرة الثانية, la deuxième réflexion. الإنسان لما يخرج في الصباح, lorsque l'individu sort le matin de chez lui, ويجد الأرض مغطاة بالثلوج, et trouve que le sol est recouvert par la neige, تجد الأرض بيضاء, tu trouves que le sol est devenu blanc, toute la France est devenue blanche, toute l'Europe est devenue blanche. يقول سبحان الله, il dit automatiquement سبحان الله, gloire et pureté à Dieu, ولا إله إلا الله, et il n'y a aucune divinité capable de faire cela à part Dieu, aucune divinité à part Allah, لأنه سيمشي على الماء, parce qu'il va marcher sur l'eau. إذا كان عيسى عليه السلام يمشي على الماء, si Jésus, prière et sage lui, marchait sur l'eau, فَهَا أَنْتَ كَذَلِكَ تَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَوْقَ الثُّلُوجِ, te voici de la même façon marcher sur l'eau, sur cette neige qui n'est que de l'eau. مَا آتٍ مِنْ آلَافِ الْكِلُومِتْرَاتِ, une eau venant de plusieurs ou de quelques milliers de kilomètres, مِنْ بِحَارِ الشَّمَالِ, des mers du nord, مَلَايِيرَ الْأَمْطَارِ مِنَ الْمَاءِ, des milliards de mètres cubes d'eau, malayir al-atnan, des milliards de tonnes, rufi'at min bihariha, qui étaient élevées de leur mer, wa atat, et qui est venue, wa wudi'at ala al-ard, et qui a été déposée sur le sol, wa mashayta ba'da dhalika fawqaha, et par la suite te voici en train de marcher sur elle. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. الماء المالح موجود في البحار والمحيطات, هذه البحار التي هي الخزان العالمي للمياه, l'eau salée se trouve en abondance dans les mers et dans les océans qui constituent le réservoir mondial d'eau. والله سبحانه وتعالى, et Dieu, gloire et pureté à lui, يبخر بالشمس الماء, évapore l'eau, grâce au soleil, liyutahhirahu min al-milh, afin de le purifier ou de la purifier du sel. وَيَأْتِي بِهِ عَنْ طَرِيقِ السَّمَاءِ, et fait apporter cette eau par le biais du ciel, بِوَاسِطَةِ الرِّيحِ, par l'intermédiaire du vent, فَيَسْقِي بِهِ الْبَلَدِ الَّذِي شَاءَ دَاخِلَ الْقَارَةِ, et avec cette eau il arrose le pays qui il veut, qui se trouve à l'intérieur d'un continent. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. لَوْ أَرَادَ الْإِنسَانَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ, si l'homme a voulu faire cela, et dans le cas où Dieu n'a pas fait cette action, يعني لَوْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْعَلَ هَذَا الشَّيْءِ وَأَنَّ الْإِنسَانَ يَحْتَاجَ لِفِعْلِ هَذَا الشَّيْءِ, كم يحتاج من معامل لإزالة الملح؟ Combien l'homme aura besoin de combien d'usines afin de purifier l'eau du sel؟ وكم يحتاج من أنابيب, من كيلومترات, آلاف كيلومترات الأنابيب لحمل الماء؟ Et il aura besoin de combien de kilomètres de canalisation afin de transporter l'eau؟ وكم يحتاج من طاقة, كهرباء وبترول؟ Il a غير ذلك, et il aura besoin de combien d'énergie sous forme d'électricité ou pétrole ou autre؟ وكم سيلوث الهواء, et combien l'homme va-t-il polluer l'atmosphère afin d'apporter l'eau؟ Allah بطريقة إيكولوجية, Dieu avec une méthode écologique, il nous donne l'exemple à nous les humains. استعمل طاقتين متجددتين من غير أو أي تلوث. Dieu a utilisé deux énergies renouvelables sans aucune pollution. طاقة الشمس وطاقة الريح, l'énergie solaire et l'énergie du vent. وعند نزول الثلج, et lors de la chute, lors de la tombée, lors de la descente de la neige, لم ينزله علينا جليدا, Dieu n'a pas fait descendre la neige sur nous sous forme de glace. لا, non, أنزله على شكل قطن خفيف لطيف, il l'a fait tomber sur nous sous forme de coton léger et doux, حتى لا يجرحنا, afin de ne pas nous blesser, ولا يقتلنا, et afin de ne pas nous tuer, وحتى لا يحطم كل شيء, et afin de ne pas tout détruire. تخيل لو كان الثلج ينزل كأحجار مثلجة, imagine si la neige descendait sous forme de pierres, de glace, de rochers de glace, de grands morceaux de glace. الكل يموت, tout le monde va mourir, ولكن رحمة الله أبد ذلك, mais la clémence et la miséricorde de Dieu a refusé cela. لا إله إلا الله. الخاطرة الثالثة والأخيرة, la troisième et dernière réflexion, أتستطيع أن تنزع ثيابك, es-tu capable, frère ou sœur, d'enlever tes vêtements, وتبيت خارج البيت فوق الثلوج وفي برودة الشتاء ناقص عشرة تحت الصفر أو ناقص عشرين, es-tu capable d'enlever tes vêtements et de passer la nuit à l'extérieur seulement sur la neige dans le froid glacial d'hiver, moins 10 ou moins 20 degrés؟ إذا كنت لا تستطيع فاتقي جهنم, dans le cas où tu es incapable, préserve-toi contre la GN, crains la GN. فهذا البرد آت من جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ce froid glacial, c'est moins de degrés, c'est moins 10 degrés d'aujourd'hui, vient directement de la GN, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. البرد آية إلهية تبين لك نموذجا صغيرا من جهنم. Ce froid glacial d'hiver te montre un petit échantillon de la GN. فأنت في الدنيا تأخذ فكرة مقدمة عن جهنم. Dans cette vie ici-bas, tu as déjà une idée de ce qui se trouve dans la GN. Comme ça, tu ne vas pas dire, ah, je ne savais pas. هكذا لا تقول غدا يوم القيامة لا لم أكن أعرف. Allah بين لك كل شيء. Dieu t'a tout montré. فإذا كنت لا تستطيع البقاء في البرد, si tu es incapable de tenir dans le froid, فتجنب الذنوب التي تجر إلى جهنم. À ce moment-là, évite et écarte-toi des péchés qui mènent tout droit vers la GN. نسأل الله التوفيق. On demande à Dieu son aide. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، يا من لا إله إلا أنت، ونحن نجتاز هذه المدة 8 أشهر التي تفصلنا عن الثلث الأخير من السنة، ثلث رمضان والصيام إلى غير ذلك، يا رب كن معنا، يا رب اجعلنا معك، يا رب لا تتخلى عنا طرفة عين، يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين، يا رب في هذه المدة ثبتنا على القرآن، ثبتنا على الصيام، ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، يا من لا إله إلا أنت، ونحن في فصل البرودة، يا رب نسألك أن تقينا عذاب النار، يا رب نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وأنت الرحيم الرحمن، يا رب حرم أجسادنا جميعا على جهنم، يا رب لا تجعل جهنم تأكل بالنار ولا بالبرد أجسادنا يا رب العالمين، يا رب اجعل أجسادنا تدخل إلى جنتك برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب اجعل هذا البرد درسا لنا يمنعنا من الذنوب ويجعلنا نتذكرك ونذكرك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك في الأخير على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.